Le 10 juin, les participants à la réunion conjointe du gouvernement, des partis politiques et des formations de la République populaire démocratique de Corée ont envoyé la lettre ouverte aux États-Unis d'Amérique. En voici le résumé. Lors du récent 7e congrès historique du Parti Travail de Corée, notre dirigeant suprême a avancé l'orientation et la ligne les plus justes et réalistes pour gérer la situation grave créée dans la péninsule coréenne et réaliser la réunification pacifique par les propres forces de la nation et tous les Coréens s'engagent dans la lutte à ses fins. Les nouvelles lignes et orientations constituent une déclaration historique d'une grande importance pour la solution du problème de la péninsule coréenne et la paix dans le monde, qui reflète la volonté de la nation d'assurer la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne, suivant la bannière de l'indépendance et de la grande union nationale, et d'édifier à coup sûr une patrie réunifiée prospère sous forme fédérale, en mettant un terme à l'histoire de plus de 70 ans de la division nationale, et aussi la demande des peuples du monde qui désirent la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et en Extrême-Orient. Mais seuls les États-Unis, au lieu de répondre comme il faut à notre demande juste, empêchent par tous les moyens la tendance de l'histoire vers la paix et la réunification par des prétentions déraisonnables et une action agressive, et cela avec leurs suivistes. La réunion conjointe du gouvernement, des partis politiques et des formations de notre République, convoquée le 9 juin face à l'actuelle situation, adresse aux États-Unis la lettre ouverte sur notre attitude de principe. Les États-Unis sont tenus de prendre une décision courageuse de renoncer à l'hostilité à l'égard de la Corée qui ne doit plus durer. L'hostilité américaine qui dure jusqu'à présent depuis la fondation de notre République est un défi horrible contre l'aspiration et la cause juste de notre peuple pour défendre ses idées, régimes, souveraineté et le droit à l'existence. C'est justement les États-Unis qui ont divisé en deux notre territoire et notre nation qui a une histoire 5 fois millénaire et qui ont causé d'immenses désastres et pertes à notre peuple par la provocation d'une guerre d'agression et qui sont restés là, occupent aujourd'hui encore la moitié de notre pays et cherchent à pérenniser la division. Bien que tard, les États-Unis doivent juger raisonnablement et cela pour leurs propres intérêts aussi, et prendre une décision politique de renoncer avec audace et du tout au tout à l'hostilité à l'égard de notre République qui est erronée dès le début et dont les conséquences catastrophiques sont inestimables. Il faut arrêter immédiatement l'accroissement des armements en Corée du Sud et les exercices de guerre contre le Nord, source de la tension, et suivre une nouvelle piste pour la paix et la sécurité authentique dans la péninsule coréenne. C'est pas les États-Unis, mais notre République qui a triomphé sur les plans politiques, militaires et moraux dans le duel historique qui dure depuis des siècles et qui est couronné de lauriers du fort. L'historique 7e congrès du Parti Travail de Corée a affirmé solennellement l'attitude décisive de notre République, possesseur du nucléaire, qui a tout le sens de la responsabilité de ne pas être la première à utiliser l'arme nucléaire tant que les forces hostiles agressives ne portent pas atteinte à notre souveraineté avec le nucléaire et de s'efforcer activement de réaliser la dénucléarisation du monde. Les États-Unis doivent réaliser qu'il n'y a aucun prétexte de mettre en cause la soi-disant menace de notre part et que les exercices de guerre d'agression et l'accroissement des armements téméraires les amèneront à leur ruine. Il ne faut pas oublier la leçon donnée par l'histoire et prouvée par le général vaincu qui a avoué amèrement que les États-Unis ont eu une guerre erronée avec l'adversaire sous-estimé dans un endroit mal choisi et dans un moment inopportun. Et accepter sincèrement notre initiative et notre projet juste et pacifique avant la disparition de l'opportunité. Les États-Unis sont tenus de ne plus intervenir dans les affaires intérieures de notre nation, ni inciter à la confrontation, ni empêcher stupidement la réunification indépendante. Le critère pour la solution du problème de la destinée de la nation coréenne, problème de la réunification, est justement le désir et la demande de notre nation, et les États-Unis n'ont aucun rapport, aucun droit d'y intervenir. Le grand programme pour la réunification indépendante présenté par le 7e congrès du Parti Travail de Corée reflète la résolution et la volonté catégorique de hâter la victoire finale de la réunification de la patrie basée sur le statut stratégique de notre nation portée à un nouveau stade élevé et sur nos propres forces puissantes. Voilà le nouveau et vrai sens de l'indépendance nationale que nous préconisons aujourd'hui pour la solution du problème de la réunification. Les États-Unis doivent donner une réponse évidente à la question sérieuse de notre nation. Subir un châtiment et être chassé avec honte en face du monde entier, ou bien ôter la main du problème coréen et se retirer eux-mêmes en gentilhomme d'Amérique. L'histoire et le temps démontreront clairement que nos avertissements lancés aux États-Unis ne sont pas de paroles vides de sens. nous profitons de cette occasion pour exprimer l'attente que les personnalités consciencieuses et raisonnables de différents paliers et légions du peuple des États-Unis répondent à l'appel juste et équitable, pacifique et sincère de la République populaire démocratique de Corée.